J'ai rencontré un barde dans un coin de Bretagne, un jour où le soleil darde une verte campagne. J'ai été enchanté par ces notes aux zéphyrs que mes larmes ont coulé, je n'ai plus les retenir. Il a joué la vie avec une telle ardeur qu'a surgi mon envie d'écrire avec mon cœur. Il a joué la joie qu'il a à l'intérieur. Il m'a transmis ma foi, toute cette joie dans mon cœur. Il a joué la paix, une telle sérénité que jamais plus jamais je ne saurais douter. Il jouait la beauté avec tant de nuances. Je l'ai enfin regardé, j'ai vu la différence. Il a joué l'amour avec tant il joue le Créateur et toute la création, toute sa foi du cœur réveille ma passion. Coulaient mon eau de joie, coulaient mes mots d'amour, multipliez ma foi, gravez-vous pour toujours. J'ai rencontré un barde avec tant dans un coin de Bretagne, un jour où le soleil darde une verte